Ce n'est pas que je veuille me distinguer d'eux lorsque je me promène dans des vêtements meilleurs, et qui m'ont appartenu depuis le commencement, et lorsque je tiens à habiter quelque part. Non, simplement, je n'en suis pas arrivé là. Je n'ai pas le cœur de vivre leur vie. Si mon bras dépérissait, je crois que je le cacherais. Mais elle, je ne sais autrement qui elle était, elle apparaissait tous les jours devant les terrasses des cafés. Et bien que ce fût très difficile pour elle de retirer son manteau et de se dégager de ses vêtements et de ses sous-vêtements confus, elle n'épargnait pas cette peine, et elle se débarrassait et se dévêtait si longuement que l'on pouvait à peine encore prendre patience. Et alors elle était debout, devant vous, modeste, avec son moignon sec et résorbé, et l'on pouvait voir qu'il était rare. Non, ce n'est pas que je veuille me distinguer d'eux, mais je m'estimerais trop si je voulais être semblable à eux. Je ne le suis pas, je n'aurai ni leur force ni leur proportion. Je me nourris, et de repas en repas, j'existe donc sans qu'aucun miracle intervienne, tandis qu'eux subsistent presque comme des éternels. Ils sont debout dans leurs angles, comme tous les jours, même en novembre, et l'hiver ne les fait pas crier. Le brouillard vient et les fait confus et incertains. Ils sont malgré cela. J'étais parti en voyage, j'étais tombé malade. Beaucoup de choses s'étaient déroulées en moi. Mais eux ne sont pas morts. Je ne sais même pas comment il est possible que les collégiens se lèvent dans les chambres grises à l'odeur de froid. Qui les encourage, ces petits squelettes pressés, pour qu'ils se précipitent dehors, dans la ville adulte, dans cette fin trouble de la nuit, dans ce jour de classe éternel, toujours encore petit, toujours rempli de pressentiments, toujours en retard. Je n'ai aucune idée de la somme de secours qui se dépense continuellement. Cette ville est pleine d'hommes qui glissent lentement parmi eux. La plupart commencent par résister. Mais ensuite il y a aussi ces filles presque vieilles, décolorées, et qui ne cessent de s'abandonner sans lutter, qui au plus profond d'elles n'ont jamais servi, qui n'ont jamais été aimées. Peut-être penses-tu, mon Dieu, que je dois renoncer à tout et les aimer? Ou sinon, pourquoi m'en coûte-t-il tant de ne pas les suivre lorsqu'elles me dépassent? Pourquoi inventai-je tout à coup les mots les plus doux, les plus nocturnes, et pourquoi ma voix demeure-t-elle tendrement entre ma gorge et mon cœur? Et pourquoi me représentai-je comment, avec d'infinies précautions, je les tiendrais dans mon haleine, ces poupées avec lesquelles la vie a joué en ouvrant leurs bras de printemps en printemps, pour rien, jusqu'à ce que les joints des épaules se soient relâchés? Elles ne sont jamais tombées, d'une espérance très haute. Elles ne se sont donc pas brisées. Mais elles sont abîmées, et la vie déjà n'en veut plus. Seuls les chats perdus viennent le soir chez elles dans leur chambre, et les griffent en secret, et se couchent sur elles. Quelquefois je suis l'une d'entre elles à travers deux rues. Elles longent les maisons, des hommes viennent toujours qui les recouvrent. Elles disparaissent derrière eux, annulées. Et cependant je sais que si un seul essayait de les aimer, elle serait lourde contre lui, comme quelqu'un qui s'est trop éloigné et qui cesse de marcher. Je crois que Jésus seul les supporterait, qui a encore la résurrection dans tous ses membres. Mais elle lui importe peu. Seuls ceux qui aiment le séduisent, et non pas celles qui attendent avec de petites dispositions à être aimées, comme une lampe froide. Je sais que si j'étais destiné au pire, il ne me servirait à rien de me travestir sous mes meilleurs vêtements. Ne glissa-t-il pas du milieu de sa royauté parmi les derniers? Lui qui, au lieu de s'élever, tomba jusqu'à ce qu'il touche à fond. C'est vrai, j'ai cru parfois aux autres rois, bien que les parcs ne prouvent plus rien. Mais il fait nuit, c'est l'hiver, je gèle, je crois en lui. Car la puissance ne dure qu'un instant, et nous n'avons rien vu de plus long que la misère. Mais le roi doit durer. Ceci n'est-il pas le seul qui se conservera sous sa folie, comme des fleurs en cire sous une vitrine? Pour les autres, ils imploraient dans les églises une longue vie. Mais de lui, le chancelier Jean-Charlier Gerson exigeait qu'il fût éternel, et cela alors qu'il était déjà le plus pauvre de tous, malgré sa couronne. C'était au temps que des hommes étrangers, au visage noirci, l'attaquaient parfois dans son lit, pour lui arracher la chemise pourrie dans les ulcères, que depuis longtemps déjà il prenait pour lui-même. Il faisait sombre dans la chambre, et il déchirait sous ses bras raides les lambeaux friables tels qu'il les empoignait. Puis l'un d'eux éclairait, et alors seulement il découvrait la blessure purulente sur sa poitrine, dans laquelle l'amulette de fer s'était enfoncée, parce que chaque nuit il la pressait contre lui avec toute la force de sa ferveur. À présent elle était en lui, profondément, terriblement précieuse, dans une lisière de perles ampues, comme un débris miraculeux au creux d'un reliquaire. On avait choisi des aides au cœur dur, mais ils n'étaient pas cuirassés contre le dégoût. Lorsque les vers, dérangés, se dressaient hors de la futaine flamande et que, tombés des plis, ils remontaient quelque part le long des manches. Il n'était pas douteux que son état eût empiré depuis les jours de la barbare Regina, car elle, du moins, avait encore voulu coucher auprès de lui, jeune et claire comme elle était. Puis elle était morte, et depuis plus personne n'avait osé accoupler une compagne de lit avec cette charogne. La reine n'avait pas laissé derrière elle les mots et les tendresses par lesquels elle savait adoucir le roi. Aussi plus personne ne pénétra-t-il à travers la broussaille de son esprit. Personne ne l'aidait à s'échapper des ravines de son âme. Personne ne le comprenait lorsque, soudain, il en sortait lui-même, avec le regard rond d'une bête qui va au pâturage. Et lorsqu'il reconnaissait alors le visage préoccupé de Juvénal, il se rappelait l'Empire tel qu'il l'avait laissé, et il voulait rattraper ce qui avait été négligé. Mais les événements de ses conjectures avaient ceci de particulier qu'on ne pouvait les apprendre avec des ménagements, ou quelque chose arrivait. L'événement se produisait avec tout son poids, et lorsqu'on le disait, il était comme d'un seul morceau. Aurait-on pu atténuer en quelque manière le fait que son frère avait été assassiné, et ceci que hier Valentina Visconti, qu'il nommait sa chère sœur, s'était agenouillée devant lui, ne soulevant que les voiles noires de son veuvage, de son visage défiguré par la plainte et par l'accusation. Et aujourd'hui, durant des heures, un avocat tenace et bavard était là, éprouvait le bon droit de l'assassin princier, jusqu'à ce que le crime devint transparent, comme s'il allait s'élever, lumineux jusqu'au ciel. Et être juste était donner raison à tous, car Valentine d'Orléans mourut de chagrin, quoiqu'on lui promît vengeance. Et à quoi servait de pardonner toujours et encore au duc de Bourgogne? L'ardeur sombre du désespoir s'était emparée de lui, de sorte que, depuis des semaines, il habitait une tente au fond de la forêt d'Arguilly, et prétendait avoir besoin la nuit d'entendre bramer les cerfs pour son soulagement. Lorsqu'on avait pensé à tout cela, toujours de nouveau, du commencement jusqu'à la fin, et ce n'était pas long, le peuple demandait à vous voir, et il vous voyait, perplexe. Mais le peuple se réjouissait du spectacle. Il comprenait que c'était là le roi, ce silencieux, ce patient qui était là, pour permettre que Dieu agît par-dessus lui, de son impatience tardive. Dans ces moments plus clairs sur le balcon de son hôtel de Saint-Paul, le roi pressentait peut-être ses progrès secrets. Il se souvenait de ce jour de Rochebec, où son oncle de Berry l'avait pris par la main, pour le conduire devant sa première victoire achevée. Alors il avait dominé du regard, par cette journée singulièrement prolongée de novembre, les masses des Gantois, telles qu'elles s'étaient étranglées par leur propre densité, lorsqu'on avait chevauché sur eux de tous les côtés. Enroulés les uns dans les autres, comme un immense cerveau, ils étaient couchés là par monceaux, tels qu'ils s'étaient eux-mêmes noués ensemble, pour se tenir de près. On perdait la laine lorsqu'on voyait, ça et là, leur visage étouffé. On ne pouvait manquer de se représenter que l'air avait été repoussé loin de ces cadavres, que l'encombrement avait fait rester debout par la fuite soudaine de tant d'âmes désespérées. Cela, on l'avait gravé dans la mémoire du roi comme le commencement de sa gloire. Et il s'en était souvenu. Mais si ça avait été alors le triomphe de la mort, c'était à présent, tandis que sur les jambes fléchissantes, il était debout à la vue de tous, le mystère de l'amour. Il avait vu dans les yeux des autres que l'on pouvait comprendre ce champ de bataille, quelque immense qu'il fût. Mais ceci ne voulait pas être compris. C'était aussi merveilleux que jadis le cerf au collier d'or dans la forêt de Senlis, sauf qu'à présent c'était lui l'apparition, et que les autres étaient plongés dans la contemplation. Et il ne doutait pas qu'ils fussent hors d'haleine, et emplis de la même vaste attente qu'il l'avait surpris, ce jour de son adolescence à la chasse, lorsque l'apparition silencieuse surgit d'entre les branches en le regardant. Le mystère de sa visibilité se répandait sur toute sa forme adoucie. Il ne bougeait pas, de peur de se fondre. Le mince sourire sur son large visage simple prenait une durée naturelle, comme chez les saints en pierre, et ne se forçait pas. C'est ainsi qu'il se tendait. Et ce fut un de ces instants qui sont l'éternité, vue en abrégé. La foule le supporta à peine. Fortifiée, nourrie d'un réconfort infiniment multiplié, elle rompit le silence par le cri éclatant de sa joie. Mais en haut, sur le balcon, il n'y avait plus que Juvénal des Ursins. Et il cria sur la première vague de calme que le roi viendrait rue Saint-Denis chez les frères de la Passion pour y voir les mystères. En de tels jours, le roi était plein d'une conscience adoucie. Si un peintre de ce temps avait cherché quelque indice sur la vie au paradis, il n'aurait pas pu trouver de modèle plus parfait que la forme apaisée du roi, telle qu'elle apparaissait dans une des hautes fenêtres du Louvre, dans l'abandon des épaules. Il feuilletait un petit livre de Christine de Pisan, qui s'intitule « Le chemin de longue étude » et qui lui était dédié. Il ne lisait pas les doctes polémiques de ce parlement allégorique qui s'était proposé de trouver le prince digne de régner sur le monde entier. Le livre s'ouvrait toujours de nouveau devant lui aux passages les plus simples, là où il était question de ce cœur qui, 13 années durant, comme une cornue sur le feu de la douleur, n'avait servi qu'à distiller pour les yeux l'eau de l'amertume. Il comprenait que la vraie consolation ne commençait que lorsque le bonheur était passé et révolu pour toujours. Rien n'était plus près de lui que cette consolation. Et tandis que son regard semblait embraser le pont, là, dehors, il aimait à regarder le monde à travers le cœur de Christine, par trop entraîné sur les chemins extraordinaires, dans l'extase de la grande cuméenne. Le monde d'alors, ses mers aventureuses, ses villes aux tours étrangères, contenues par la pression des étendues, la solitude extatique des montagnes rassemblées, et les cieux explorés dans un doute heureux, ces cieux qui se fermaient alors seulement comme le crâne d'un nourrisson. Mais lorsque quelqu'un entrait, le roi prenait peur, et son esprit se ternissait peu à peu. Il permettait qu'on l'emmenât de la fenêtre et qu'on l'occupât. Il lui avait donné l'habitude de demeurer durant des heures avec des images, et il en était content. Une seule chose le fâchait, c'est qu'en tournant les pages, on ne put jamais garder devant soi à la fois plusieurs images, et que fixées qu'elles étaient dans des in-folios, on ne put pas les mêler les unes sous les autres. Alors quelqu'un s'était souvenu d'un jeu de cartes qui était tombé en oubli, et le roi accorda sa faveur à celui qui le lui apporta. Tant lui tenait à cœur ses cartons qui étaient bariolés, et chacun mobile et plein d'imaginerie. Et tandis que les jeux de cartes devenaient à la mode parmi les courtisans, le roi était assis dans sa bibliothèque et jouait seul. De même qu'il levait en ce moment deux rois, l'un à côté de l'autre, de même Dieu l'avait posé récemment à côté du roi Venceslas. Quelquefois une reine mourait, alors il mettait sur elle un as de cœur. C'était comme une pierre funéraire. Il ne s'étonnait pas qu'il y eût dans ce jeu plusieurs papes. Il installait Rome là-bas, au bord de la table, et ici, à sa droite, était Avignon. Rome lui était indifférente. Pour une raison quelconque, il se la représentait ronde et n'y insistait pas davantage. Mais il connaissait Avignon, et à peine y songeait-il que sa mémoire répétait le haut palais hermétique et qu'elle se surmenait. Il fermait les yeux et devait largement reprendre haleine. Il avait peur de faire de mauvais rêves la nuit prochaine. En somme, c'était vraiment une distraction reposante, et ils avaient eu raison de la lui suggérer. De telles heures le confirmaient, dans son opinion qu'il était roi, le roi Charles VI. Ceci ne veut pas dire qu'il s'exagérait son importance. Il était loin de se croire plus qu'une de ces feuilles de papier, mais sa certitude se fortifiait que lui aussi était une carte déterminée, peut-être une carte mauvaise, une carte jetée avec colère, et qui perdait toujours. Mais toujours la même, jamais une autre. Et cependant, lorsqu'une semaine s'était passée, ainsi à cette confirmation régulière de sa propre existence, il commençait à se sentir à l'étroit en lui. La peau se tendait autour du front et de la nuque, comme s'il sentait tout à coup ses contours trop distincts. Personne ne savait à quelle tentation il cédait lorsqu'il s'informait des mystères, et ne pouvait attendre qu'ils commençassent. Et lorsqu'enfin ils étaient arrivés, il habitait davantage la rue Saint-Denis que son hôtel de Saint-Paul. C'était le pouvoir fatal de ses poèmes représentés qu'ils se complétaient et s'élargissaient toujours de nouveau, qu'ils s'accroissaient jusqu'à compter des dizaines de milliers de vers, de telle sorte que le temps en eux était le temps véritable. C'était comme si l'on avait fait un globe, en grandeur naturelle de la terre. L'estrade creuse, au-dessous de laquelle était l'enfer, et au-dessus de laquelle l'échafaudage sans barrière d'un balcon, fixé à un pilier, signifiait le niveau du paradis, contribuait encore à atténuer l'artifice. Car ce siècle avait en vérité rendu terrestre le ciel et l'enfer. Il se nourrissait de ces deux forces pour se survivre à lui-même. c'était les jours de cette chrétienté avignonnaise qui, une génération plus tôt, s'était pressée autour de Jean XXII, en un recours si involontaire qu'au lieu de son pontificat avait surgi aussitôt après lui la masse de ce palais clos et lourd comme un dernier corps de refuge pour l'âme de tous. Mais lui-même, le petit vieillard, léger et immatériel, vivait encore à la vue de tous. Tandis que, à peine arrivé, sans retard, il commençait à agir vite et hardiment. Les écuelles épicées de poison étaient sur sa table. Le contenu du premier gobelet devait toujours être répandu, car le morceau de licorne était décoloré lorsque les chansons l'en retiraient. Inquiet, ne sachant où il devait les dissimuler, le septuagénaire portait avec lui les figurines de cire que l'on avait faites de lui pour le perdre en elles. Et il s'égratignait aux longues aiguilles dont elles étaient transpercées. On pouvait les fondre, mais ce simulacre secret l'avait empli d'un tel effroi que plusieurs fois, malgré sa force de volonté, il forma cette pensée qu'il pourrait se porter à lui-même un coup mortel et s'évanouir comme la cire près du feu. Son corps diminué devenait encore plus sec de terreur et plus résistant. Mais à présent, on s'en prenait même au corps de son empire. À Grenade, les Juifs avaient été incités à détruire tous les chrétiens. Et cette fois, ils s'étaient achetés des exécuteurs plus terribles. Personne ne douta, aussitôt après les premières rumeurs du complot des lépreux. Déjà certains les avaient vus, jetant dans les puits les paquets des lambeaux horribles de leur décomposition. Ce ne fut pas une crédulité trop facile, qu'aussitôt l'on tint cela pour possible. La foi, au contraire, était devenue si lourde qu'elle échappa aux mains tremblantes et tomba jusqu'au fond des puits. Et de nouveau l'ardent vieillard dut éloigner le poison du sang. Au temps de ses velléités superstitieuses, il avait ordonné pour lui et pour son entourage l'angélus contre les démons du crépuscule. Et à présent, dans le monde agité tout entier, on sonnait chaque soir cette prière calmante. Par ailleurs, cependant, toutes les bulles et les lettres qui émanaient de lui ressemblaient davantage à un vin épicé qu'à une tisane. L'Empire ne s'était pas confié à son traitement, mais il ne se lassait pas de combler les peuples d'épreuves de leur maladie. Et déjà, on venait de l'Orient le plus éloigné consulter ce médecin impérieux. Mais alors, l'incroyable arriva. Le jour de la Toussaint, il avait prêché plus longtemps et plus ardemment que de coutume. Pris d'un soudain besoin, et comme pour la revoir lui-même, il avait montré sa foi. Hors de ce tabernacle octogénaire, il l'avait tiré et lentement soulevé de toutes ses forces et exposé sur l'autel. Et aussitôt, ils crièrent à sa face. Le repentir cria « Cette foi était mauvaise ». Alors le pape disparut. Durant de longs jours, aucune action n'émana de lui, et il resta à genoux dans son oratoire et explora le mystère de ceux qui agissent et qui font tort à leur âme. Enfin, il reparut, épuisé par ce lourd recueillement, et se rétracta. Il rétractait une chose après l'autre. Rétracté devint la passion sénile de son esprit. Il arrivait qu'il fit éveiller la nuit les cardinaux pour leur parler de son repentir. Et peut-être ce qui faisait durer sa vie au-delà de la mesure ordinaire n'était-ce finalement que l'espoir de s'humilier encore devant Napoléon Orsini, qui le haïssait et qui ne voulait pas venir. Jacques de Cahors s'était rétracté. Et l'on pourrait croire que Dieu lui-même eût voulu prouver son erreur en laissant surgir, si peu de temps après, le fils du comte de Ligny, qui ne semblait attendre sur terre que l'âge de sa majorité pour participer virilement aux voluptés de l'âme que lui réservait le ciel. Il y avait beaucoup de gens qui se rappelaient ce clair enfant au temps de son cardinalat, et comment, à l'aube de son adolescence, il était devenu évêque, et comment, âgé de 18 ans à peine, il était mort dans l'extase de sa perfection. On rencontrait des morts vivants, car autour de son tombeau, l'air sursaturé de vie pure longtemps encore agit sur les cadavres. Mais n'y avait-il pas je ne sais quoi de désespéré, même dans cette sainteté trop précoce? N'était-ce pas une injustice pour tous que le tissu pur de cette âme n'ait été qu'à peine tiré au travers de la vie, comme s'il ne s'agissait que de la rendre lumineuse dans la cuve d'écarlate de l'époque? N'éprouva-t-on pas comme un contre-coup lorsque ce jeune prince quitta le tremplin de la terre dans son ascension passionnée vers le ciel? Pourquoi les lumineux ne restaient-ils pas parmi ceux qui peinent à faire des chandelles? N'était-ce pas cette obscurité qui avait amené Jean XXII à affirmer qu'avant le jugement dernier, il n'y aurait aucune félicité entière, même pas parmi les bienheureux? Et en effet, quel entêtement et quelle rude ténacité ne fallait-il point pour s'imaginer que, tandis qu'ici tout était un chaos aussi épais, il put y avoir quelque part des visages qui étaient déjà dans la lumière de Dieu, reposant sur des anges et comblés par sa vue inépuisable. Me voici dans cette nuit froide, et j'écris, et je sais tout cela. Je le sais peut-être parce que j'ai rencontré cet homme autrefois quand j'étais petit. Il était très grand, je crois même que sa grandeur devait surprendre. Si invraisemblable que cela paraisse, j'avais réussi vers le soir, je ne sais plus comment, à m'échapper seul de la maison. Je courus, je tournai l'angle d'une rue, et au même instant je me heurtai contre lui. Je ne comprends pas comment ce qui arriva alors a pu se dérouler en 5 secondes à peu près. Si serré qu'on le raconte, cela dure beaucoup plus longtemps. Je m'étais fait mal en me heurtant contre lui. J'ai été petit, il me sembla que c'était beaucoup déjà que je ne pleurasse pas. Aussi m'attendais-je involontairement à être consolé. Comme il ne s'y décidait pas, je le crus timide. Je supposais que son esprit ne lui inspirait pas la plaisanterie par laquelle cette affaire devait se dénouer. J'étais assez content déjà de pouvoir l'aider dans cet embarras. Mais pour cela, il était nécessaire de regarder dans sa figure. J'ai dit qu'il était grand. Cependant, il ne s'était pas, comme il eût été pourtant naturel, penché sur moi, de sorte qu'il se trouvait à une hauteur à laquelle je n'étais pas préparé. Il n'y avait toujours encore devant moi que l'odeur de la dureté singulière de son vêtement que j'avais senti. Soudain vint son visage. Comment était-il? Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. C'était le visage d'un ennemi. Et à côté de ce visage, tout à côté, à la hauteur de ses yeux terribles, il y avait comme une seconde tête, son poing. Avant que j'eusse eu le temps de baisser la tête, je courais déjà. Je m'esquivai à sa gauche et courus tout droit dans une rue vide et terrible, dans une rue d'une ville étrangère, d'une ville où l'on ne pardonne rien. Alors je vécus ce que je comprends à présent, ce temps lourd, massif et désespéré, le temps où le baiser de deux hommes qui se réconcilient n'était qu'un signal pour les meurtriers qui étaient là. Ils buvaient dans le même gobelet, ils montaient aux yeux de tous le même cheval de sel. On racontait qu'ils couchaient la nuit dans un seul lit, et tous ces contacts rendaient la version de l'un pour l'autre si impatiente que chaque fois que l'un apercevait les veines battantes de l'autre, un dégoût maladif se cabrait en lui, comme à l'aspect d'un crapaud. Le temps où un frère assaillait l'autre pour son héritage plus important et le tenait prisonnier. Sans doute le roi intervint-il pour la victime et obtint-il la liberté de celle-ci et que son bien lui fut restitué. Occupé à d'autres destinées plus lointaines, l'aîné accordait la paix et exprimait dans ses lettres le remords de son méfait. Mais tous ces événements empêchaient le frère libéré de se reprendre. Le siècle le montre allant en vêtements de pèlerin d'une église à l'autre, inventant des serments toujours plus étranges. Chargé d'amulettes, il chuchote ses craintes au moine de Saint-Denis, et longtemps est resté inscrit dans leur registre le cierge de 100 livres qu'il trouva bon de consacrer à Saint-Louis. Il n'arriva pas à réaliser sa propre existence. Jusqu'à sa fin, il sentit la jalousie et la colère de son frère, comme une constellation grimaçante au-dessus de son cœur. Et ce comte de Foix, Gaston Phébus, qui excitait l'admiration de tous, n'avait-il pas tué ouvertement son cousin Ernaud, le capitaine du roi d'Angleterre, à Lourdes? Et qu'était-ce ce meurtre manifeste auprès de cet affreux hasard que le comte n'eût pas déposé le petit couteau à ongles aiguisés lorsque, en un reproche crispé, il effleura de sa main, dont la beauté était fameuse, le cou nu de son fils étendu? La chambre était sombre. On dut allumer pour voir le sang qui venait de si loin et qui quittait à présent pour toujours une race admirable, en s'échappant doucement de l'étroite blessure de cet enfant épuisé. Qui pouvait être fort et s'abstenir du meurtre? Qui en ce temps ne savait pas que le pire était inévitable? Un pressentiment singulier envahissait çà et là celui dont le regard avait rencontré dans la journée le regard presque voluptueux de son meurtrier. Il se retirait, il s'enfermait, il écrivait ses dernières volontés et il ordonnait pour finir la civière en osier, la soutane des Célestins, et que l'on répandit des cendres. Des ménestrels étrangers paraissaient devant son château, et il leur faisait des dons royaux pour l'amour de leur voix qui était d'accord avec ses vagues pressentiments. Dans le regard levé des chiens, il y avait un doute, et ils devenaient moins sûrs dans les mouvements qu'on leur ordonnait. De la devise qui avait compté durant toute la vie se dégageait peu à peu un nouveau sens, parallèle et ouvert. Bien des longues habitudes vous paraissaient vieillies. Mais c'était comme s'il ne s'en formait plus de nouvelles pour les remplacer. Si des projets surgissaient, on les traitait en grand, sans vraiment croire en eux. En revanche, certains souvenirs prenaient un caractère singulièrement définitif. Le soir, près du feu, on croyait s'abandonner à eux. Mais la nuit, dehors, que l'on ne connaissait plus, devenait tout à coup singulièrement forte au tympan. L'oreille, habituée à tant de nuits libres et dangereuses, discernait des morceaux distincts du silence. Et cependant, c'était différent cette fois-ci. Ce n'était pas la nuit entre hier et aujourd'hui. Une nuit. Nuit, beau sire, Dieu, et puis la résurrection. À peine en de telles heures le chant consacré à une femme aimée vous atteignait-il. Elles étaient toutes cachées dans les aubes et dans les saluts d'amour. Elles étaient devenues inintelligibles sous leur nom de parade à traînes interminables. Tout au plus encore, dans l'obscurité, les devinait-on, au fond du regard qui se lève, plein de confiance et de féminine douceur, d'un bâtard. Et ensuite, avant le souper tardif, cette immobilité pensive au-dessus des mains dans la cuvette d'argent. Nos propres mains. Était-il possible de créer un rapport entre ce qu'elles touchaient? Une suite, une continuité dans leurs actes de prendre et de laisser? Non. Tous les hommes essayaient partie et contrepartie. Tous s'annulaient mutuellement. Et il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action hors chez les frères missionnaires. Le roi décut leurs gestes et leurs mimiques, inventa lui-même cette charte pour eux. Il leur disait « Mes chers frères, jamais personne ne lui avait tenu autant à cœur. » On leur accorda littéralement de marcher avec leur pleine signification parmi les hommes temporels. Car le roi désirait qu'ils en contaminassent beaucoup et qu'ils les entraînassent dans leur forte action où était l'ordre. En ce qui le concerne lui-même, il lui tardait de beaucoup d'apprendre d'eux. Ne portait-il pas, tout comme eux, les signes et les vêtements d'un certain sens? Lorsqu'il les regardait, il pouvait croire qu'il était possible d'apprendre cela, d'aller et de venir, de s'exprimer et de se replier, de telle sorte qu'il n'y eut aucun doute. D'immenses espoirs parcouraient son cœur. Dans cette salle de l'hôpital de la Trinité, éclairée d'une lumière inquiète et singulièrement indéfinie, il était assis tous les jours à sa meilleure place, et il se dressait tout fiévreux et se tendait comme un écolier. D'autres pleuraient, mais lui était plein, à l'intérieur, de larmes étincelantes, et ne serrait que ses mains froides l'une dans l'autre pour supporter cela. Quelquefois, lorsqu'un acteur à bout de tirade sortait soudain de son grand regard, le roi levait le visage et s'effrayait. Depuis combien de temps était-il là? Monseigneur Saint-Michel surgit là-haut, au bord de l'estrade, dans son armure d'argent toute miroitante. À de tels instants, il se dressait. Il regardait autour de lui comme avant une décision. Il était tout près de comprendre la contrepartie de cette action-ci, la grande passion angoissée et profane dans laquelle il jouait. Mais tout à coup, c'était passé. Tous se mouvaient de façon désordonnée. Des torches ouvertes s'avançaient sur lui, et elles jetaient en haut de la voûte des ombres informes. Des hommes qu'il ne connaissait pas le tiraillaient. Il voulait jouer, mais de sa bouche rien ne sortait. Ses mouvements ne formaient pas de gestes. Les gens se serraient si singulièrement autour de lui qu'il lui semblait qu'il devait porter la croix. Et il voulut attendre qu'ils la portassent, mais ils étaient plus forts, et ils le poussèrent lentement dehors.